Mais que se passe-t-il? C'est encore Marie-Laure qui arrive toute trempée. Mais d'où sors-tu comme ça? Du bassin. Tu es allée plonger dans le bassin? Ben non, pas vraiment. Je suis tombée. J'ai voulu attraper mon bateau. Je me suis penchée. J'ai glissé, alors je suis tombée, voilà. Non, c'est malin. Allez, va te changer. Rentre à la maison tout de suite. Et tu avais mal à la gorge hier, mais qu'est-ce que maman va dire? Tu es allée plonger dans le bassin? Tu es allée plonger dans le bassin? Non, pas vraiment. Je suis tombé. Non, je suis tombé. Qu'est-ce qui est arrivé à Marie-Laure? Est-ce qu'elle a plongé dans le bassin? Non, elle est tombée. J'ai voulu attraper mon bateau. Alors je me suis penché, et puis j'ai glissé et je suis tombé. J'ai voulu attraper mon bateau. J'ai voulu attraper mon bateau. Alors, je me suis penché. Je me suis penché. Et puis j'ai glissé. Et je suis tombé. Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qu'elle a fait pour tomber dans le bassin? Elle a voulu attraper son bateau, alors elle s'est penchée, elle a glissé et elle est tombée. Ah ben, c'est malin. Allez, va te changer. Va te changer. Rentre à la maison tout de suite. Rentre à la maison. Rentre à la maison tout de suite. Qu'est-ce que Marie-Laure doit faire maintenant? Elle doit aller se changer. Et Marie-Laure s'en va. Cette gamine est insupportable. Heureusement qu'elle sait nager. Elle va sûrement devenir championne de natation. Ou bien, elle va faire de l'exploration sous-marine avec l'équipe de Constant. On ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais comment les choses vont tourner. Ah, heureusement qu'elle sait nager. Heureusement qu'elle sait nager. Heureusement. Elle sait nager. Heureusement qu'elle sait nager. Elle va sûrement devenir championne de natation. Elle va sûrement devenir championne de natation. Elle va sûrement devenir championne de natation. Ou bien elle va faire de l'exploration sous-marine. Ou bien elle va faire de l'exploration sous-marine. Elle va faire de l'exploration sous-marine. Avec l'équipe de Cousteau. Avec l'équipe de Cousteau. Ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais.